إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمر بالحجاب ونهى عن التبرج فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والتبرج هو إظهار المرأة زينتها أمام غير المحارم وهو من الكبائر وقد استهان به كثير من الناس في هذا الزمان وقد روى أحمد من حديث أميمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعهن على الإسلام فقال أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم التبرج بكبائر الذنوب من شرك وزنا وسرقة وما هذا إلا لأن التبرج كبيرة في حد ذاته التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله على المتبرجة روى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات التبرج من صفات أهل النار روى مسلم في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأزمنة البخت المائلة لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا التبرج نفاق أخرج البيهقي وأبو نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن منافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم كيانة عن قلة من يدخل الجنة من النساء بسبب التبرج وغيره والتبرج سنة شيطانية يقول تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما والتبرج سنة يهودية ونصرانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والكفار يسعون إلى إفساد أخلاق المسلمين وإلى إبعادهم عن القيم الإسلامية منذ أن جاء الإسلام ومنذ زمن الاستعمار، وهم يخططون على إخلاء الحجاب عن المرأة. والله أمر بالحجاب وبالجلباب وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول: وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ويقول تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وكانت النساء قبل الاستعمار في بلاد الإسلام لا يعرفن إلا الجلباب الشرعي الكامل الذي يستر جميع البدن مع الوجه. والكفار حاربوا الجلباب الشرعي وحاولوا كل ما يستطيعون لنزع هذا الحجاب، وها هو الآن بدأ يظهر في بلادهم يعود مرة أخرى. فهذا هو سبب حربهم الآن ضد النقاب والحجاب والجلباب. فنسأل الله أن يعيننا على الطاعة وأن يفقهنا في ديننا حتى لا ننخدع بما يقولون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الحمد لله، الله سبحانه وتعالى nous a révélé la religion parfaite. La meilleure religion est il l'a choisie pour nous. Et dans cette religion, il nous a enseigné les meilleures valeurs et la meilleure morale. Il nous a protégés de tout ce qui est mauvais. Il nous a éloignés de toute immoralité et de toute perversité. Il nous a protégés contre le péché et contre le mal. Et contre tout ce qui peut amener au mal également. Et donc, alhamdulillah, parmi les règles de cet islam, parmi les règles de la sharia, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, il a ordonné à nos femmes de se couvrir correctement et de porter un hijab. Ou un djilbab, si on veut, comme on, si on veut utiliser les termes qui sont mentionnés dans le Coran. Et le djilbab, comme les ulama de tafsir l'ont expliqué dans les livres, si on retourne à tafsir Ibn Kathir, ou tafsir al-Qurtubi, ou tafsir al-Tabari, ou les autres livres de tafsir qui ont été écrits par les ulama de l'islam depuis des siècles, hein, avant même que le mot intégrisme soit inventé, eh bien, on retourne à ces livres de tafsir et on voit la description que les ulama ont donnée du djilbab. Et comment il doit être s'il respecte les conditions de la charia. Hein? Donc, alhamdoulilah, si on regarde à travers l'histoire, les femmes ont toujours porté, les femmes musulmanes dans les pays musulmans ont toujours porté ce djilbab et ce hijab qui est un hijab shari'i et qui couvre le corps de la femme en entier, y compris le visage et les mains. Hein? Et c'est uniquement depuis la colonisation qu'on a vu apparaître des formes de hijab qui s'éloignent de plus en plus du hijab qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et qui est mentionné tel qu'il est dans la sunna. Donc il est très important pour nous d'apprendre et de comprendre les règles de notre religion. Et c'est pas seulement de venir à la khutbah de Jumu'ah et on s'assoit et on écoute et après on retourne au travail ou à la maison et on a tout oublié qu'est-ce qu'on a appris. Ou bien que le reste de la semaine, on ne fait pas des efforts pour assister à des cours, assister à des dourous, assister à des rappels pour comprendre et pour apprendre notre religion correctement. Ou lire des livres, ou écouter des cours sur Internet, ou des cours enregistrés pour essayer d'augmenter notre compréhension de la religion. Donc ce n'est pas juste de venir s'asseoir pour dire « Ah, la Jumu'a c'est obligatoire, donc je n'ai pas le choix de venir, et donc je viens puis je retourne et c'est fini. » Non, il faut profiter de ce temps pour comprendre, pour apprendre, et pour écouter, et pour méditer sur les paroles qu'on est en train d'expliquer. Donc comme je dis, les koufars sont venus dans les pays musulmans, et ils ont colonisé les pays musulmans, et ils ont fait en sorte à ce que la femme musulmane laisse petit à petit les règles de son hijab et les règles du djilbab. Et la première chose qu'ils ont combattue lorsqu'ils sont rentrés dans les pays musulmans, c'est que la femme musulmane couvrait son visage. Et c'est la première chose qu'ils voulaient. Et au début, ils ne parlaient pas d'autre chose que de ça. Ils disaient, on ne veut pas enlever à la femme son voile au complet, son djilbab ou sa robe au complet. On veut juste qu'elle enlève son niqab. Et après, c'est fini. On ne va pas demander d'autre chose. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Elles ont découvert leur visage et après, elles ont commencé petit à petit à enlever le reste. Et là, qu'est-ce qu'on a vu apparaître depuis quelques temps? On a vu apparaître que la femme, elle commence petit à petit à revenir au hijab original. Et elle commence maintenant à revenir, à vouloir couvrir son visage. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les médias occidentaux en premier? C'était pas le combat du niqab ou le combat contre le fait de couvrir le visage en premier. C'était le fait de combattre ce petit foulard que certaines femmes portaient sur leurs cheveux, même si ce n'était pas en accord avec les règles réelles du hijab, mais même ça, ça les dérangeait. Et même ça, ils cherchaient à l'enlever de la femme. Le petit foulard qu'elle porte sur ses cheveux qui ne respecte même pas les conditions et les règles du hijab dans l'islam, parce qu'elle ne le porte pas correctement, parce que c'est quelque chose qui est une décoration plus que quelque chose d'autre, et en même temps, avec ça, elles vont porter un jean, ou bien un petit chandail, une petite tunique, qui dévoile ou qui montre les formes et les parures de la femme. Donc, ça, ça ne respecte pas les conditions de l'islam, mais même ça, ça les a dérangés. Et même ça, ils voulaient le combattre. Alors, ils ont fait des lois, même dans certains pays, pour l'interdire dans certains endroits. Et maintenant, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé certaines femmes croyantes à comprendre l'importance du hijab et la signification réelle de ce djilbab et à commencer à appliquer les règles telles qu'elles sont et à couvrir même leur visage et à couvrir leur corps d'un grand voile pour qu'on ne voit même pas un pouce de leur corps ou une forme parmi les formes qu'elles peuvent avoir pour éviter justement la tentation du shaitan. Et puis, alhamdoulilah, on a vu ça de plus en plus commencer à revenir. Et où? Pas seulement dans les pays musulmans. Ici même, en Occident, là où le combat et la guerre contre le hijab a commencé. Alors là, ils ne savaient plus quoi faire. Et ils ont dit, si on continue à les laisser porter ce djilbab et à les laisser commencer à se couvrir de plus en plus comme ça, les femmes musulmanes dans les pays musulmans vont commencer à voir que les femmes musulmanes ici en Occident, là où il y a cette soi-disant liberté, commencent à se couvrir le visage elles aussi, commencent à se voiler d'un voile islamique elles aussi, donc elles vont commencer à influencer les femmes musulmanes qui sont dans les pays musulmans et qui se sont éloignées de l'exemple du hijab islamique. Alors les koufars ont inventé quelques ruses pour essayer de faire croire aux gens, aux musulmans et aux non-musulmans, que dans ce retour au hijab, il y a quelque chose d'autre qu'une question religieuse. Et parmi leurs choubouhats et parmi leurs arguments, c'est que c'est un voile qui est politique, ou que c'est quelque chose qui est politique. Et ils sont convaincus de ça, et on ne peut rien faire pour les convaincre de d'autres choses. Alors qu'on voit dans le Coran et dans la Sunna les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des salaf al-salih parmi les sahaba et les sahabiyat, et les paroles des ulama de l'islam, depuis tous les siècles, tous les siècles, les trois premiers siècles, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Khayru nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » Les trois meilleures générations, elles étaient sur ce hijab-là. Et donc c'est eux notre référence, et c'est eux notre exemple. Mais même après ça, les ulama de l'islam, qui sont venus jusqu'à récemment, ils ont tous été sur cette voie. et sur cette compréhension de l'islam et du hijab. Et puis ils ont, alhamdoulilah, clarifié la situation. Donc, la femme musulmane, quand elle se voile, c'est un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle le fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et c'est obligatoire pour elle de le porter, et c'est obligatoire aux croyants de l'ordonner. Parce que l'islam nous ordonne d'ordonner le bien, et nous interdit, ou nous ordonne d'interdire le mal. Et parmi les caractéristiques des croyants, c'est ça. C'est qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal. Donc on n'a pas le droit de permettre le péché ou de laisser ou de permettre qu'une femme musulmane reste sur le péché ou dans le péché. Un autre exemple aussi qui est important de comprendre, certains jouent avec la question de la majorité et de la minorité. Et ils disent, les femmes qui se couvrent le visage, c'est une minorité. Hein? Et donc, il ne faut pas se baser sur ce petit groupe-là. La majorité des savants, elles disent, par exemple, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Ou bien, ils disent que de couvrir le visage, ce n'est pas obligatoire. Et nous, on sait, alhamdoulilah, qu'il y a une divergence d'opinion entre les ulama de l'islam au sujet de la question du visage. Et que certains ulama, parmi les ulama de l'islam, ont dit que de couvrir le visage, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est recommandé et c'est meilleur que de ne pas le couvrir. Tandis qu'il y a d'autres parmi les ulama qui ont dit, non, c'est une obligation. Alors il faut comprendre qu'il y a cette divergence d'opinion et que chacun a leur adilla. Chaque côté, ils ont leurs preuves et leurs arguments tirés du Coran et de la Sunna. Et ils ont chacun leur compréhension de ces textes, de ces nusus. Mais alhamdoulilah, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont tous d'accord, tous les deux, au moins pour dire que ça fait partie de l'islam et que c'est quelque chose de meilleur. Et que si la femme le couvre son visage, c'est mieux que de ne pas le couvrir. Et même ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, alhamdoulilah, ils disent quoi? Ils disent que si dans une société, il y a trop de fitnes, trop de péchés, trop de perversité, trop de corruption, trop de mal, ça devient obligatoire. Ça devient dans ce cas-là obligatoire à la femme de couvrir le visage parce que c'est une porte ouverte vers la fitna et la tentation. Et qu'est-ce qui fait plus de fitna pour l'homme dans le corps d'une femme? Est-ce que c'est son visage ou ses pieds? Les ulamas sont d'accord pour dire que la femme, c'est obligatoire pour elle de couvrir ses pieds. Est-ce que c'est ses pieds qui font plus de fitna ou son visage? Alors, les ulamas, il y en a qui ont expliqué ça avec même des arguments rationnels et logiques. Et ils ont expliqué ça, ils ont donné cet exemple. Ils ont dit, si on est obligé de couvrir les pieds, alors couvrir le visage, c'est encore plus obligatoire. Puisque c'est là que toute la beauté de la femme se tient. Hein? Donc ça, c'est des exemples et des arguments, même rationnels, qui supportent l'argument de ceux qui disent que c'est obligatoire. Donc, alhamdulillah, sur ce plan-là, on a compris la question. Et donc, c'est pour ça qu'il faut encourager. Les musulmans à Montréal, Allahul Musta'an, les musulmans de Montréal, Allahul Musta'an, Nassalullah al-Afiyah, ils veulent toujours faire le moins possible dans leur religion. Ils veulent toujours chercher à faire le moins possible de ce qui est obligatoire pour eux dans l'islam. Pourquoi ils veulent toujours chercher à suivre leur passion et suivre leurs désirs et faire le moins possible de leur religion? Pourquoi subhanahu wa ta'ala nous a créés sur cette terre? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il ne nous a pas créés ici pour s'amuser, pour venir jouer. On est créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but de notre existence. C'est ça le but de notre création. C'est pas d'autre chose. C'est pas d'autre chose. Même si la société dans laquelle on vit nous fait oublier cette réalité, nous fait oublier le sens de notre existence, il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne pourquoi on est créé. Et c'est pas juste pour venir ici et profiter de la dunya. Hein? Donc, nasallallahu al-afiyah, nasallallahu an yahdiyana ajma'in. C'est quelque chose de sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Et donc, alhamdoulilah, les ulama ont mentionné que le fait de la femme qui montre son corps, ça fait partie des kaba'ir. Ça fait partie des kaba'ir de l'aube. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé du tabarruj, c'est-à-dire que la femme, elle montre son corps, ou une partie de son corps, où elle fait la fitna, ça fait partie des grands péchés. Et il l'a cité en même temps que le shirk, que le zina, que le vol et que d'autres grands crimes dans l'islam. Donc la femme qui se voile pas, elle commet un kabira parmi les kaba'ir de l'aube. Est-ce que ça c'est quelque chose à prendre à la légère? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit dénigrer, qu'on ne doit pas donner d'importance? Il y en a parmi les musulmans, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent au kuffar, mais non, nous on vient, on veut s'intégrer, on veut devenir comme vous. Et le hijab, ce n'est pas important dans l'islam, c'est un détail. Ça fait partie du kabaïr. Si la femme ne le porte pas, elle commet un grand péché. Nous sommes morts à la rafia. Elle est menacée de l'enfer. Donc c'est un grand péché qu'elle fait. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. En plus, c'est une malédiction quand la femme ne supporte pas son hijab. C'est une la'na. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith, il a dit, « Il'anouhunna fa'innahunna mal'unat. » Maudissez-les, car elles sont maudites. Donc, est-ce qu'on va prendre ça à la légère? Tu laisses ta femme, tu laisses ta fille, elle est maudite par Allah, elle est maudite par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est maudite par les mu'minins. Est-ce qu'on accepte ça pour notre famille? Est-ce qu'on accepte ça pour nos femmes? Est-ce qu'on accepte ça pour nos, hein, pour nos filles? Est-ce qu'on accepte? Al-Ya'na, hein? Même si ça ne plaît pas à certains, même si ça ne plaît pas à certains, la vérité, c'est la vérité, il faut la dire. Que ça plaît ou que ça ne plaise pas. Et le prophète, sur l'ensemble, il a dit qu'il y aura des femmes qui vont venir à la fin du temps. Hein? Et il les a décrites. Ce sont des femmes, kassiyat, ariyat. Elles sont couvertes en apparence, mais elles montrent leur forme, elles montrent leur corps, elles montrent des aspects de leur corps quand elles sortent dans la rue pour attirer les hommes. C'est ça qui fait leur affaire, c'est ça qu'ils veulent. Hein? Et donc ça, c'est très dangereux. Et également, le prophète, quand il a décrit ces femmes-là, il a dit, elles font partie des gens que j'ai vus dans l'enfer. C'est une femme et une ahlinar. L'homme arahuma, quand il a dit, il y a deux catégories de personnes qui vont être dans l'enfer, je ne les ai jamais vues encore. À son époque, il ne les avait pas encore vues. La première catégorie, c'est des hommes qui ont des fouets, comme des queues de vache, hein, ils frappent les gens avec. Et la deuxième catégorie, ce sont des femmes, et il les a décrites comme ça. Elles sont cassiates, ariettes. Elles se couvrent, mais elles ne se couvrent pas correctement. Soit on voit à travers, ou soit que ça décrit leur forme, tellement c'est serré sur leur corps. Et il les a décrites comme étant des femmes de l'enfer. En plus, ça fait partie du nifaq. Ça fait partie des caractéristiques du nifaq, parce que le prophète a dit à leur sujet qu'elles sont des munafiqates. Elles sont des hypocrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles seront des munafiqat et qu'elles ne rentreront pas au paradis. Donc ça, c'est une menace sévère pour les femmes qui ne se voilent pas correctement. De plus, c'est une sunna du shaytan, puisque le premier qui a appelé l'homme à enlever ses vêtements et à montrer sa nudité, c'est le shaytan. Il a fait ça avec nos premiers parents. Hein? Et de plus, c'est une sunna des juifs et des chrétiens. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, prenez, faites attention à la dunya et faites attention aux femmes, parce que la première fitna des juifs de Bani Israël, c'était la fitna des femmes. Et cette fitna est devenue la fitna des musulmans. Hein? Et il y en a aujourd'hui parmi les musulmans qui disent, oh, on n'aime pas, hein, on n'aime pas ce que les juifs font en Palestine, on n'aime pas ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font en Palestine, ils sont les premiers à suivre l'exemple des juifs et à laisser leurs femmes marcher à moitié nues dans la rue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre la fitna de Bani Israël. Et maintenant, on est en train de faire pire que les Bani Israël avec nos femmes. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ma taratu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal min al-nisa. » Hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « J'ai pas laissé une fitna après moi qui sera plus nuisible, plus dur pour l'homme que la femme. » Maintenant, on prend ça à la légère aujourd'hui et c'est devenu comme ça. Donc, il faut se réveiller, il faut prendre les choses au sérieux, il faut apprendre notre religion, pas juste pour la théorie, mais aussi pour l'application, parce que c'est une religion d'application. Et si on veut la miséricorde d'Allah, et si on veut le Jannah, et si on veut la récompense d'Allah, il faut prendre ces choses-là au sérieux. Assalamu alaikum. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر